famille pour me rapprocher du tout puissant. Quand Gitane défile, juvénile d'esprit ahurissant. Observe le monde, mon frère. Observe les gens déguisant en pieux et leur foi. N'est qu'un mensonge silencieux, confusion. Situation obscure sans raison. Illusion sort plusieurs millions d'ignorance sans conviction à cause de l'argent. Plus le temps de plaquer, une vie à construire sans larguer. Mes consciences et tout ce que j'aime. Ma FORCE, toujours prêt quand la flemme se manifeste. FUNS, mes pensées y restent presque. Conteste, cette vie n'est qu'un test. Altesse ou conteste, du bitume pour le fric, faut qu'on me laisse blesse. La vérité quand elle sort, marre de ce foutu décor d'Elbord dans ma ville. Et là, tu clair. Comme se plaire dans un marécage de merde hostile. Défile la merde quand tu crois bien vivre. Chienne de vie, vis-tu ce que je vis? Je vois des vies virées au rouge, vives les voitures. Tragédie se mêle à mélodie, l'entends-tu? Vie et tragédie s'harmonise en poésie. Chienne de vie, vis-tu ce que je vis? Je vois des vies virées au rouge, vives les voitures. Tragédie se mêle à mélodie, l'entends-tu? Vie et tragédie s'harmonise en poésie. Voici ma façon d'écrire, ceci est ma façon d'écrire. Vision HF de l'île de 180 degrés, je m'inspire. Plus neuf hall, de mes camarades de rue, mes ex à sauce d'école. Te rappelles-tu Paul? Beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses vont changer. 2001 comité, parabellum unité. Ici c'est l'usine qui dégrasse sur le papier. Encore et encore, et sans ajouter des faits. L'ingrédient des bonnes sauces, l'ingrédient qui touche mes sauces. C'est simple, la vérité celle qui cause tant de dégâts. Voilà seulement 5 gars qui ne pensent qu'à Pera sur un trio à capella. Le comité se régale, les barrières s'installent. Là c'est H l'impudent, H l'imprudent. Et à travers mon rap j'aime toucher. Amis tous, Sultan, Yobé, tous les gars de ma cité. Je te jure qu'on me le rend bien. Ça me motive, je construis, je pense mieux à demain. Du rap confiance, des textes crus, des bases, des caisses. Vas-y Thierry, balance les charlets. Des têtes denses et la France flanche. Mes gars se lâchent par expérience. Putain, je deviens fou quand ça balance. Quand ça balance. Chienne de vie, vis-tu ce que je vis? Je vois des vies virées au rouge, vives les voitures. Tragédie se mêle à mélodie, l'entends-tu? Vie et tragédie s'harmonise en poésie. Chienne de vie, vis-tu ce que je vis? Je vois des vies virées au rouge, vives les voitures. Tragédie se mêle à mélodie, l'entends-tu? Vie et tragédie s'harmonise en poésie. Écrire et décrire est ma seule force. Je rappe chaque boy à chaque fois que les choses se corrent. Ni un négociateur, ni un gangster, ni un challenger. Observateur de faits, jetant de langue sur feuille, y'a qu'à regarder dehors. Ruelle après ruelle, les mecs sortent l'école. T'en substitues à la parole, ici c'est P. Une des cinq voix de parabellum, bonhomme. Smith et Wesson, pour les fils, sont un coup, la peine est conne. Les chiffres en Weston, ah ouais que tout se donne. Mais ici c'est le western, à l'ouest d'Eden. À l'ouest d'Eterne, en fait Paris. Mieux, ville fleurie de Tox et Marichier. Je veux faire de mes mots des haltères. Peut-être aider à inverser la direction qu'a pris la rue, frère. Car l'an 2000 laisse place au fumigène. Au mec qui fume jeune, demande à Hack ou à Eugène. Comment des fois on passe à jeûne. Année après année, mon équilibre se perd de plus en plus. Et chaque pas est une nouvelle leçon pour mes lyrics. Des vies se risquent ici, les balles fusent. Les petits grandissent si vite et dans le mal s'usent. Tease, fume, s'entretue en bref, mec. Merde, je sais que le paradis n'est pas ici. Mes textes, la caisse, auditeur réfléchi. Pourquoi et pour qui tu construis? Chienne de vie, vis-tu ce que je vis? Je vois des vies virées au rouge, vives les voitures. Tragédie se mêle à mélodie, l'entends-tu? Vie et tragédie s'harmonise en poésie. Chienne de vie, vis-tu ce que je vis? Je vois des vies virées au rouge, vives les voitures. Tragédie se mêle à mélodie, l'entends-tu? Vie et tragédie s'harmonise en poésie. Un COMIT, où vie et tragédie s'harmonise en poésie. Bébé, Karim, Potam, Ali, Wami. Quand bien même nos vies n'ont pas le même départ. Quand bien même des numéros de rue nous séparent. On marche tous sur un fil parallèle de toi à moi aux autres. Se sont dédicacés aux nôtres.